Keza. Benoît Morichonzi assure la mise en onde. Bonjour et bienvenue à tous à ce journal dont voici les grandes articulations. Le virus d'Ebola commence à s'approcher du Burundi. Par conséquent, le ministère de la Santé invite les personnes ayant les signes de ce virus de se présenter immédiatement à l'hôpital pour un éventuel dépistage. Le CNDD faisant partie de l'opposition à l'extérieur dit qu'il n'est pas concerné par la feuille de route de Kayanza. Pour eux, la solution à la crise burundaise, c'est les pourparlers qui se tiennent à l'extérieur du pays. Et les préparatifs de l'examen d'État continuent sur tout le territoire burundais. Dans ce journal, nous irons à Muyinga, où les lauréats disent qu'ils vont passer ce test, même si leurs écoles ont eu un taux de réussite de 0% l'année dernière. Et en page sportive, le chargé des compétitions à la FFB indique qu'aucun club n'a encore donné les documents exigés par cette fédération de football pour entrer en compétition. Par conséquent, aucun joueur n'est autorisé à entrer sur terrain pour les compétitions. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore et commençons par la page santé. Toutes les personnes présentant la fièvre ou la diarrhée, qui sont quelques-uns des signes du virus d'Ebola, sont appelées à aller immédiatement à l'hôpital pour le dépistage. C'est le message du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé, OMS, après que le virus d'Ebola a été signalé dans la province qui est à 2000 km du Burundi. Actuellement, le virus approche jusqu'à 400 km. Pour ce, le représentant de l'OMS, Dr Kazadi Mulombo Walter, fait savoir que quelques mesures sont prises dans le contrôle des infections et l'élaboration du plan de communication de risque pour lutter contre cette épidémie. On l'écoute. L'évaluation du risque Ebola pour le Burundi a été faite depuis mai, comme vous le savez, au moment de la déclaration de l'épidémie à l'ouest du pays, qui était à plus ou moins 2000 km à vol d'oiseau. Mais aujourd'hui, l'épicentre est à plus ou moins 400 km avec le Rwanda et l'Ouganda, qui ont des frontières communes avec la zone frappée et qui sont donc à plus haut risque et à plus forte raison le Burundi, qui a des contacts réguliers avec l'Ouganda et le Rwanda, et même avec la RDC directement via Goma. Comme vous le savez, le Burundi a élaboré son plan de contingence en juin 2018, suite à la 9e épidémie, et les activités préparatoires sont en train d'être mises en œuvre avec l'appui des partenaires. Il est recommandable que ces activités puissent être intensifiées à tous les niveaux, vu la nouvelle donne. En particulier aux points d'entrée, les formations sanitaires autour des points d'entrée, les radios et autres moyens de communication, tous les mécanismes doivent être mis à profit pour que nous maintenions le niveau d'alerte suffisant, de sorte que s'il y a un cas suspect, qu'il soit détecté à temps, mais surtout que les communautés puissent savoir à quoi ressemblent ces cas et qu'ils puissent se protéger en conséquence. D'autres points d'importance à considérer, c'est notamment rappeler la gravité de la maladie. La maladie se manifeste principalement par des fièvres, fatigue, mais aussi des signes hémorragiques. Et c'est important d'informer la population sur ces signes, de sorte que s'il y a un décès suspect dans une communauté sur base de ces signes, ou s'il y a quelqu'un qui vient d'une zone touchée et qui présente ces signes, la communauté puisse notifier à temps pour que nous prenions les mesures nécessaires. C'était le représentant de l'OMS ici au Burundi. L'incapacité de payer une amende mentionnée dans leur dossier est l'une des raisons de détention pour certains prisonniers déjà relaxés, selon Jean-Marie Chimilimana, président de l'association Nabariza qui s'occupe des droits des prisonniers et de leurs familles. Il demande au ministère de la Justice de libérer ces prisonniers en expliquant que même s'ils restent enfermés, il leur est difficile de payer cette amende. On écoute Chimilimana Jean-Marie. Nous sommes au courant de cette situation. Il y a dans différentes maisons pénitentiaires du Burundi certains prisonniers qui sont déjà relaxés mais qui paradoxalement restent en détention. La raison, c'est essentiellement l'incapacité de ces prisonniers de payer une amende mentionnée dans leur dossier au cours de leur procès. Cela implique que quoi qu'ils aient purgé leur peine, ils restent incarcérés. Donc, vous comprendrez qu'il leur est impossible de se payer cette amende puisqu'ils n'ont pas de moyens pour se procurer de l'argent étant en prison. Et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme et des prisonniers en particulier, c'est touchant que ces prisonniers soient doublement punis, c'est-à-dire le détenu lui-même et sa famille. Nous demandons au ministère de la Justice de prendre des mesures qui s'imposent afin de libérer ces personnes qui croupissent dans différentes prisons, car, à part qu'ils craignent pour leur santé, le pays aussi perd énormément. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le journal continue sur la radio Isanganilo. Parlons éducation à présent. Plus de 1500 candidats à l'examen d'État s'apprêtent à passer cette épreuve dans deux centres de passation en province Muyinga. Alors que les surveillants procèdent à l'appel des candidats ce lundi, certains d'entre eux, notamment les lauréats des lycées communaux, affirment s'être présentés juste pour tenter leur chance vu que leurs écoles ont eu zéro comme taux de réussite l'année dernière. Dieudonné Nzeimana. Les candidats à l'examen d'État édition 2018 ont été placés dans des centres de passation pour la province Muyinga. C'est à l'école technique de gestion de Mukoni avec 661 candidats et le lycée Rugali avec 885 candidats. Les élèves sont casés dans les places lundi. 28 établissements, majoritairement des lycées communaux, sont représentés. Pour certains candidats, c'est participer juste pour tenter les chances. Avec l'édition 2017, certains établissements ont eu zéro comme taux de réussite et des mises en demeure ont été formulées à l'endroit des directeurs. C'est le cas du lycée communal Munagano et l'école technique de Gasegni en commune Muyinga. Certaines sections sont très exigeantes pour pouvoir encadrer correctement les élèves. L'on cite à titre illustratif la section scientifique. Non seulement les équipements manquent dans ces lycées communaux, mais aussi les élèves devraient réviser les leçons en permanence accompagnés par les enseignants. Tâche difficile pour ceux qui rentrent chez eux ici et là sur les collines et se retrouvent en internat juste pour cette épreuve dont la réussite ouvre la porte à l'enseignement supérieur. Tomuyinga, Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganilo. Merci Dieudonné pour cette correspondance. Sport à présent. Au moment où il ne reste que deux semaines avant le début du championnat national de football en première division édition 2019, aucun club n'a déposé à la Fédération de football de Burundi les documents exigés pour entrer en compétition. Cela est dit par Youssef Mossi, chargé des compétitions à la FFB. Il indique qu'aucun joueur ne pourra mettre le pied sur la pelouse sans toutefois déposer son certificat médical. On l'écoute, il est au micro d'Evariste Ndikobanyanga. Du côté de la Fédération de football du Burundi et de la Commission des compétitions, tout ce qui devait être fait a été fait. Nous avons annoncé à tous les clubs que la forme du championnat vient de changer. La forme d'enregistrement des joueurs vient de changer. Donc maintenant, nous sommes sur un projet mondial qui s'appelle projet FIFA FFB Connect, où tous les joueurs sont informatisés dans le système de gestion des joueurs de la FIFA et de la Fédération de football du Burundi. Alors maintenant, nous attendons que les clubs puissent nous fournir tous les éléments qui peuvent nous permettre de produire les licences des joueurs. Quels sont ces éléments? Ces éléments sont divisés en deux parties. La première chose, c'est que le club soit agréé au niveau du ministère public. On a aussi besoin du logo du club, on a aussi besoin des couleurs du maillot des clubs. Nous avons aussi besoin de la liste des 30 joueurs qui vont prendre part au championnat. Et bien sûr, un acte d'engagement signé par le club qui dit que le club accepte de participer et de respecter le règlement du championnat qui va commencer très bientôt. Et pour les joueurs, nous avons besoin d'un photopasseport, nous avons besoin de la copie de sa carte d'identité, nous avons besoin du contrat du joueur avec son club, parce que c'est à régime professionnel ou semi-professionnel. Nous avons aussi besoin d'un certificat médical du joueur, montrant qu'il est apte de pouvoir pratiquer le football. Maintenant, nous sommes à 10 jours de la compétition. Aucun club n'a amené tout ce qu'on a demandé. C'est-à-dire que maintenant, la situation reste encore préoccupante. Donc, nous lançons un appel à tous les clubs de pouvoir se conformer à cela. Ça fait plus d'une année que le stade de Prince Lugakasur est en train d'être réhabilité. Où est-ce que vous en êtes avec ces travaux? Quand est-ce que ce stade va commencer à abriter les matchs? Les travaux avancent bon train parce que maintenant, ils sont en train de finaliser la pose du terrain synthétique. Dans les jours à venir, pas plus tard que dans 10 jours, nous allons commencer à travailler sur les alentours pour tout nettoyer, mettre tout en place. Et puis, nous allons aussi nettoyer les vestiaires, les remettre en bonne condition. Et puis, nous allons aussi préparer les tribunes, bien les nettoyer. Et puis, on pense qu'en date du 15 septembre, donc c'est-à-dire vers la troisième semaine du championnat, nous pourrons commencer à jouer les matchs du championnat national. C'était le chargé des compétitions à la FFB. Politique. Le parti CNDD dit ne pas être concerné par la feuille de route signée à Kayanza en fin de la semaine dernière entre les partis politiques et le ministère burundais de l'Intérieur. Pour Léonard Nyangoma, président de ce parti, l'urgence n'est pas de préparer les élections de 2020. Il trouve que seul le dialogue inter-burundais qui se tient à l'extérieur pourra contribuer à un bon climat politique au Burundi. On l'écoute. Il a été joint au téléphone par Eline Bell Nibigira. J'ai appris ça par la presse que des partis politiques de la mouvance présidentielle se seraient réunis quelque part, je pense, à Kayanza, et qu'ils auraient sorti une feuille de route, je ne sais pas sur quoi, un projet ou je sais pas, de feuille de route sur les futures élections. Qu'est-ce que je peux en dire? Bon, ça ne nous engage pas, du moins, cette feuille de route. Mais je n'ai rien contre que les partis de la mouvance présidentielle puissent se réunir et réfléchir sur, notamment, le futur du Burundi, comme nous aussi, nous en avons droit. Vous avez dit que cet accord a été signé entre les partis pré-pouvoir et pourtant il y avait des partis de l'opposition comme le RANAC et le FRODEBOU. Normalement, les partis d'opposition, à ma connaissance, n'étaient pas invités dans cette rencontre. Je ne sais pas comment le FRODEBOU et le RANAC se sont retrouvés là-bas. Bon, c'est leur affaire. C'est leur affaire, en principe. Ils sont souverains. Mais nous considérons que ce n'est pas les élections qui sont prioritaires. La priorité aujourd'hui, c'est la paix, c'est la sécurité. Et les élections ne pourront jamais se tenir de manière transparente, honnête et librement s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité. Les élections pluralistes étaient parfois mal préparées ou préparées dans la précipitation. 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro, le journal continue. Le transfert des pouvoirs et des compétences aux communes doit s'accompagner du transfert des moyens. La précision est du porte-parole du ministère burundais de la décentralisation et de la réforme institutionnelle. Balthazar Niyonzima rassure qu'il n'y a pas de chevauchement entre ce ministère et celui du ministère burundais de l'Intérieur, qui a le développement local dans ses attributions, ainsi que le FONIC. Il précise en outre qu'il y a unicité du gouvernement. On l'écoute. Son ministère a pour mission d'exécuter la politique nationale de décentralisation. Plus concrètement, nous devons veiller à ce que les pouvoirs qui doivent être transférés aux entités décentralisées, c'est-à-dire les communes, nous devons veiller à ce que ces pouvoirs soient efficacement et complètement transférés, mais aussi veiller à la gouvernance locale de la commune et sans oublier le développement économique local. Entre autres missions, il y a justement ce développement au niveau local, au niveau commune. Comment est-ce que votre ministère parvient à mettre en œuvre ce développement communal alors que le fonds, je parle du FONIC, n'est pas du ressort de votre ministère? La décentralisation repose essentiellement sur le transfert des compétences, le transfert des pouvoirs du niveau central aux communes. Et ce transfert des compétences, ce transfert des pouvoirs s'accompagne nécessairement par le transfert des moyens. C'est vrai qu'il y a un lien étroit entre le développement économique local et la décentralisation. Et cela est dû au simple fait que lorsque les pouvoirs sont décentralisés au niveau des communes, c'est-à-dire que les gestionnaires des communes, les administrateurs communaux, le conseil communal, est appelé à une bonne gestion d'abord des moyens transférés et qui doivent être partagés équitablement au niveau de la population. Là, je vous dirais qu'il doit y avoir nécessairement une collaboration entre les ministères. Il y en avait déjà et il y en aura toujours parce que nous devons travailler en synergie. Concernant le développement local qui se trouve au niveau du ministère de l'Intérieur, là, je vous dirais que chaque fois qu'il y a de besoin, il y aura un cadre de concertation. Nous avons des relations verticales et horizontales entre les ministères. Donc, pas de chevauchement entre le ministère de la décentralisation et le ministère ayant le développement local dans ses attributions? On ne peut pas parler de chevauchement à cette heure-ci parce que, vous savez, il a été formé une équipe pour justement se pencher sur la question. C'est à partir de là qu'il a été remarqué que finalement, il ne peut pas y avoir de chevauchement à telle enseigne qu'il puisse y avoir de blocage dans la réalisation des missions des uns des autres. Il a été instauré une journée à des communes. On célèbre beaucoup plus. Qu'est-ce que vous en dites au niveau de votre ministère? Et par rapport à cette journée, vous avez déjà entendu que c'est par décret que cette journée a été instaurée. Et là, vraiment, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Vous pouvez aller aux instances habilitées pour plus de précisions. Isanganiro, la radio de l'avenir. Trois bandits qui ont orchestré un forfait dans la zone Mayuyu de la commune Mukike ont été arrêtés par la police. Ces bandits étaient armés d'un fusil de type Kalachnikov, comme l'indique le porte-parole du ministère de la Sécurité. Pierre Ngurikiye fait savoir que cette attaque, qui a été perpétrée dans la nuit du vendredi à samedi, a coûté la vie à 4 personnes, dont un bandit qui faisait partie de ce groupe. On l'écoute. Il y a eu un vol qualifié qui a été suivi par des assassinats. Un groupe de criminels armés de fusils Kalachnikov a attaqué un bar où des gens étrangers de soif et a directement tiré sur le propriétaire du bar, un certain Bukuru Bernard, alias Boudigoma, de 29 ans, qui est mort sur le champ. Et puis le groupe a volé une somme d'argent et un montant qui n'est pas encore déterminé pour le moment. Les criminels ont également fusillé d'autres gens qui sont étrangers de soif. Ces gens tués sont Nibizi Jean, de 56 ans, Ndaïsaba Pascal, de 34 ans, et un des criminels a été touché par une balle dans des membres de forces de sécurité qui étaient tout près à stopper le crime. Et les balles ont touché un des criminels qui s'appelle Blaise, qui est également mort sur le champ. Et il y a eu aussi un blessé, un certain Kalegwa Tony Alexis, qui a été blessé au bras droit. Il est originaire de Mayuyu et il est étanché la soif à cet endroit-là. Et puis, après ce forfait, il y a eu des opérations de poursuite qui ont été menées par la police en collaboration avec les membres des comités mixtes de sécurité, les forces de défense nationale, les membres des forces de défense nationale qui étaient là. Et ensemble, ils ont mené des opérations conjointes de poursuite et d'enquête. Et un jour après, donc le samedi matin, un premier criminel, chef de la bande, a été appréhendé. Il s'appelle Kwizera Egide, alias Quantité. Il a été appréhendé à Ruzibazi et il est originaire de Mugendoruko à Mugamba. C'est lui qui était le chef de la bande. Il a été appréhendé. Vous avez vu qu'il a été même touché par une des balles qui ont été tirées par le militaire au niveau des yeux, blessé au niveau des yeux. Le même jour, dans l'après-midi, il y a eu arrestation d'un autre qui s'appelle Ndayuba Richard, qui a été arrêté à l'endroit appelé Musinzira, c'est dans la commune de Mukike. Celui-ci n'est pas originaire de Mugamba, contrairement aux autres. Il est originaire de Muhuta, ici, dans la province de Bujumbura. Des dimanches passés, c'était hier, l'enquête a continué et la police a appréhendé un autre qui s'appelle Bukeneza Eric, lui aussi originaire de Mugamba, sur la colline Mugendondengo. Les trois donc ont été appréhendés. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore appréhendés et des armes utilisées qui ne sont pas encore saisies. Une nouvelle en bref avant de nous quitter. Le niveau de compréhension des étudiants de l'Université du Burundi a sensiblement diminué, surtout en ce qui concerne l'expression. Comme l'indique Dr. André Ndouimana, doyen de l'Institut des pédagogies appliquées, certaines des causes seraient la mauvaise qualité de l'enseignement secondaire, les effectifs élevés des étudiants dans les auditoires, mais aussi l'environnement social. Il dit que le ministère ayant l'éducation dans ses attributions devrait réviser certaines lois pour redynamiser le secteur de l'éducation. Et voilà, c'est par ici qu'on se sépare. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.